Parfois je ressens au fond de moi un sentiment de pudeur, comme une envie de chaleur, comme un manque de tout ça. Et quand je pense à cette fille, tous mes rêves prennent vie et je ressens l'envie de vivre. J'arrête soudainement d'être ivre, mais elle n'écoute que la radio, discothèque et boîte de nuit. Elle n'entendra jamais mes mots, lui dire que c'est d'elle dont j'ai envie. Je voudrais bien regarder autour de moi et voir d'autres filles moins compliquées, mais je ne vois qu'elle et sa beauté qui ne veulent jamais de moi. Peut-être qu'un jour le soleil se lèvera et que ce jour-là elle me verra, mais ça n'arrivera pas, non je crois. Je rêve qu'un jour entre ses notes, dans la marge de mon prénom vienne s'y cacher, muni d'une paire de menottes. Mais elle n'écoute que la radio, discothèque et boîte de nuit. Elle n'entendra jamais mes mots, lui dire que c'est d'elle dont j'ai envie. Et tu ne m'écoutes pas, il n'y a aucun reflet dans tes yeux, à se demander si j'existe pour toi. Je voudrais m'arracher les yeux. Tu ne m'aimes pas, tu me tueras. C'est toujours le même combat, toujours le même combat. Tu n'écoutes que la radio, discothèque et boîte de nuit. Tu n'entendras jamais mes mots, te dire que c'est de toi dont j'ai envie.